نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي علامة الصلاح والفلاح وهي خير زاد ليوم الحساب والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون عباد الله بعد ظلام الليل الحالك يتنفس الصبح بضيائه ويرسل إلى الكون خيوط الصباح الأولى مؤذنا ببدء يوم جديد وفي هذا الوقت البديع المبارك يسمع في سماء الكون النداء الخالد نداء الآذان آذان لصلاة الفجر فيهتف الأرض كلها الله أكبر الله أكبر وتكون صلاة الفجر فاتحة اليوم في حياة المسلم ليعلم أهل الإسلام أن يبدأوا كل أمر بطاعة الله والإقبال عليه والإنابة إليه وكأنما هي شكر لله على نعمة الإصباح بعد الإذلام فيقومون للصلاة وإن طاب المنام ويترك الفراش وإن كان وثيرا يقوم أحدهم مختبئا منيبا يخرج من بيته إلى بيت ربه ملبيا النداء لم تمنعه ظلمة الليل من أن يمشي فيها إلى بيت الله تبارك وتعالى فكان جزاؤه أن يسير في نور تام يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه الترمذي لم تخرجه دنيا يصيبها ولا أموال يقترفها فيا لسعادة يعيشها حين لا ينفك النور عنه طرفة عين أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا قال ربنا جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب رجال الفجر أنفسهم طيبة وأجسادهم نشيطة قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد ويضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. ويثني ربنا تبارك وتعالى على أولئك الرجال، ويأمرهم نبيه بأن يصبر نفسه معهم. يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أولئك الرجال موعودون بالنجاة من النار وعدم ولوجها. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر، وتشهد لهم ملائكة الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم. ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله وحفظه. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. من حافظ على هذه الفريضة فإنه موعود برؤية ربه. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني العصر والفجر، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم. أيها المسلمون، لا يشهد صلاة الفجر إلا صفوة الرجال، لذلك كانت تلك الصلاة أشد صلاة على المنافق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري. ولذلك كانت صلاة الفجر عند الصحابة مقياسا يزنون به الناس. ففي صحيح ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. عباد الله، وبعد هذه الفضائل والمزايا، ماذا يقول من آثر فراشه معرضا عن نداء ربه؟ ماذا يقول من آثر أن يكون أسيرا للشيطان والهوى؟ ماذا يقول من رضي أن يبول الشيطان في أذنيه؟ ففي الصحيح أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه رواه البخاري وأما أما علم النائم عن الصلاة أن من ترك الصلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر عند بعض أهل العلم، وبعض الناس يتعمد ضبط المنبه على وقت العمل، ولو كان وقت العمل يعني في السابعة أو الثامنة أو التاسعة، ولا يصلي الفجر إلا في هذا الوقت. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ذلك فقال من يتعمد تركيب الساعة إلى ما بعد طلوع الفجر يعني بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها هذا قد تعمد تركها، وهو كافر بهذا عند جمع من أهل العلم لتعمده ترك الصلاة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مثل هذا يعني صلاته في هذا يعني في هذه الحالة غير مقبولة، يعني إذا صلى فقط عند قيامه للشغل بعد طلوع الشمس تعمدا يعني من صلى هذه الصلاة يعني فهي غير مقبولة ولا تبرأ بها ذمته وسوف يحاسب عنها. Subhanallah, craignez Allah. Et sachez que la piété et la taqwa, c'est un signe de bien et de succès. Et c'est la meilleure provision que quelqu'un peut accumuler pour le jour de la résurrection et le jour du jugement. Et la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont la piété. Ne réfléchissent-ils pas, serviteurs d'Allah? Sachez que lorsque l'aube se lève et qu'on entend l'appel de la prière de l'aube, cet appel qui nous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout, est plus important que toute chose, et qu'on a été créé uniquement pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le plus fondamental de notre existence pour lequel Allah nous a créé, et bien on entend cet appel pour la prière de l'aube. Et c'est l'ouverture de la journée pour la vie du musulman. Et pour que les gens de l'islam sachent que toute chose dans la vie commence par l'obéissance d'Allah. Et commence par le fait de se tourner vers Allah et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière de l'aube, c'est en réalité comme une reconnaissance et un remerciement de la grâce d'Allah pour avoir revu la lumière après la nuit et la noirceur des ténèbres. Donc ceux qui se lèvent pour la prière de Fajr, alors que le sommeil est tellement bon, alors que le lit est tellement doux, ils se lèvent en humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sortent de sa maison vers la maison de son Seigneur en répétant l'appel, et rien ne l'empêche d'aller vers cet appel et de répondre à cet appel même si la nuit est sombre et noire, parce qu'il sait qu'il a une récompense qui l'attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il marchera dans la lumière au jour de la résurrection, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: annoncez la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers les mosquées dans les ténèbres d'une lumière complète au jour de la résurrection. Et rien ne les a fait sortir des intérêts de la vie d'ici-bas, que ce soit le travail ou l'argent. Ils sont sortis uniquement pour un plaisir et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils seront rempli de joie au jour de la résurrection de voir que cette lumière ne se sépare pas d'eux. Ce sont les vrais hommes, ce sont les vrais croyants, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran lorsqu'il dit ce qui signifie dans des demeures ou des maisons, yani les mosquées, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on élève son nom et qu'on le mentionne, des hommes célèbrent les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le soir. Et ce sont des hommes qui ne se laissent pas distraire par le commerce. Et rien ne les distrait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'établir la salat et de donner la zakat. Ils craignent un jour dans lequel les cœurs et les yeux seront renversés, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue de la meilleure rétribution pour ce qu'ils ont fait, et les augmente de sa grâce, et Allah donne sa subsistance à qui il veut sans calculer. Les hommes de la prière de l'aube ont des âmes qui sont bonnes et des corps qui sont motivés et forts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le shaitan, lorsque l'homme s'endort, il lui attache trois nœuds, yani sur la nuque, et à chaque fois qu'il attache un de ces nœuds, il dit: tu as une longue nuit, alors dors. Alors si la personne, au moment de l'aube, se réveille et qu'il se rappelle d'Allah, un de ses nœuds se détache. Si par la suite il va faire son ablution et son wudu, un autre nœud se détache encore. Et s'il va faire sa salat, eh bien le troisième nœud se détache et il devient plein d'énergie et avec un âme qui est éveillée et bonne. Tandis que si ce n'est pas le cas, s'il ne fait pas ça pour détacher les nœuds du shaitan, eh bien son âme sera mauvaise toute la journée et il sera paresseux. Muttafaqun alayh, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des hommes qui se lèvent pour la prière de l'aube. Et il ordonne à son messager, à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire preuve de patience et d'endurance avec eux, avec les gens qui assistent justement à cette prière. Et il lui dit: et patiente ton âme avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir. Ils veulent uniquement son visage. Et ne tourne pas tes yeux vers ceux qui désirent la vie d'ici-bas et sa parure. Et n'oublie pas celui à qui nous avons rendu le cœur insouciant à notre rappel et qui a suivi sa passion et dont les affaires sont désordonnées. Ceux-là sont les hommes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le salut, qu'ils seront sauvés de l'enfer et qu'ils n'y entreront pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous, parmi ceux qui s'attachent et qui font la prière avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil, n'entrera en enfer. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie Al-Bardain, il entrera au paradis. Et Al-Bardain, c'est la prière de Fajr et la prière de Asr. Et les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala témoignent pour eux, parce qu'il y a des anges qui se relaient au moment de la prière de l'aube et au moment de la prière de Asr. Donc les anges qui ont passé la nuit avec nous se relaient la tâche avec les anges de la journée. Et ils se réunissent à deux moments: au moment de la prière de Fajr et au moment de la prière de Asr. Donc ceux qui ont passé la nuit avec vous demandent, leur Seigneur leur demande, alors qu'il connaît mieux que: comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et ils disent: nous les avons laissés alors qu'ils faisaient la salat, et nous leur sommes venus alors qu'ils faisaient la salat. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait la salat de Isha en groupe, rapprochez-vous un peu. Celui qui fait la salat de Isha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui fait la prière de Fajr de subh en groupe, c'est comme s'il avait prié la nuit entière. Et celui qui prie la prière de Fajr, il est sous la protection d'Allah. Et sur ça, hein, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la prière de l'aube, il est sous la protection d'Allah. Alors ne cherchez pas à faire du tort à celui qui est sous la protection d'Allah en quoi que ce soit. Parce que celui qui trouve, hein, celui qui cherche à lui faire du problème, à lui faire des problèmes, il trouvera ce qu'il cherche. Et ensuite il sera jeté et lancé dans l'enfer sur son visage. C'est rapporté par l'imam muslim. Celui donc qui s'attache et qui préserve cette obligation, il a la promesse qu'il verra son Seigneur au jour de la résurrection. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis et il a dit que vous allez voir votre Seigneur comme on peut voir la nuit lorsqu'on peut voir la lune la nuit lorsqu'il n'y a pas de nuages. Et vous n'allez pas avoir de difficulté à le voir. Et par rapport au grand nombre que vous êtes, même si vous êtes une foule, une masse d'hommes, eh bien, cela ne pose pas de difficulté pour vous de pouvoir le voir. De la même manière que vous n'avez pas de difficulté à voir la lune lorsqu'elle est pleine dans une nuit qui est sans nuages. Et si vous êtes capable de rester fidèle à la prière et de ne pas être dépassé par une prière avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. C'est-à-dire la prière de Asr et la prière de Fajr. Et il a récité un verset dans ce sens. Donc celui qui prie la prière de Fajr, il fait partie des meilleurs d'entre les hommes. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la prière qui était la plus difficile, ou les prières qui étaient les plus difficiles pour les hypocrites, c'est la prière de l'aube et la prière de Isha. Et s'ils savaient ce qu'il y a comme récompense et comme bien dans le fait d'assister à ces deux prières, ils seraient venus à quatre pattes pour y assister. Et donc, la prière de Fajr est très importante, et les Sahaba, ils se basaient même sur la prière de Fajr pour distinguer entre les gens et pour mettre les hommes dans la balance. Et s'ils voyaient quelqu'un qui ne venait pas à la prière de l'aube et à la prière de Isha, ils pensaient du mal de lui. Et donc ça fait partie des caractéristiques et des mérites de la prière de Fajr et de ceux qui prient le Fajr. Et donc, celui qui se détourne de cet appel et de cette prière, qu'est-ce qu'il va dire à son Seigneur? Est-ce qu'il est satisfait d'être devenu le prisonnier du shaitan et de sa passion? Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui passe toute la nuit à dormir et qui manque même la prière de l'aube, que le diable a uriné dans ses oreilles. Donc ne sait-il pas qu'il y a un danger dans ça? Et que celui qui laisse une prière volontairement, certains savants ont mentionné que cela est un acte de mécréance, ou celui qui fait exprès de mettre son alarme à l'heure du travail, alors qu'il sait que l'heure du travail est à 8h ou 9h, donc il va dormir et qu'il va passer l'heure de la prière de l'aube. Certains d'entre les ulama ont mentionné à ce sujet que celui qui fait ça, il a quitté la foi. Et certains ulama ont mentionné également que celui qui fait cela, sa prière ne sera même pas valable, même s'il l'a prié. Et il sera puni pour cela au jour de la résurrection. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا إنه أتاني الليلة أتيان وإنهما ابعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق. انطلقنا. وفي آخر الحديث إخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأى. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أخرجه البخاري. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على هذه الفريضة واحذروا السهر واحرصوا كل حرص على سبب على يعني ما يساعدكم يعني أن تقوموا لهذه الفريضة هذه الصلاة مع الجماعة. بارك الله فيكم. سبحان الله. Il est mentionné dans le hadith de la vision que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eue que deux anges sont venus et ils l'ont amené avec eux en lui disant « Suis-nous » et il les a suivis. Il est passé près d'un homme et cet homme était allongé et un autre homme se tenait au niveau de sa tête. Approchez-vous encore. Barakallahu fikum. Un autre homme se tenait au-dessus de sa tête avec un gros rocher. Et yani, il tentait de toutes ses forces de lui fracasser la tête et de lui écraser avec ce rocher. Et lorsqu'il lui avait écrasé complètement la tête, le rocher roulait. Puis l'homme qui était debout retournait pour aller rechercher ce rocher encore une fois. Et au moment où il revenait avec le rocher par-dessus sa tête était redevenue normale, dans sa forme normale. Et il recommençait encore une fois à lui fracasser la tête. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux deux anges, « Subhanallah, qu'est-ce que c'est ça ?» Et les deux anges ont dit, « Suis-nous !» Et ils sont partis. Mais à la fin de ce hadith, il y a l'explication de la signification de ce qu'il a vu. Et c'est qu'en réalité, l'homme dont on était en train de fracasser la tête avec cette pierre, c'était celui qui avait appris le Coran et qui ne le récitait pas ou bien ne l'appliquait pas et qui dormait hein, et négligeait la prière obligatoire. Donc ça c'est quelque chose de grave et ça nous montre un châtiment qui atteint ceux qui négligent justement la prière obligatoire. Alors craignez Allah subhanahu wa ta'ala et repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel pour nous tous, pour moi-même ainsi que vous-même, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala si on a eu des manquements ou des négligences, et de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafour, Rahim, et que si on se repent et on corrige nos œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner et va nous effacer nos péchés. Et il va nous faire entrer dans sa miséricorde. Mais il ne faut pas persister dans l'insouciance et la négligence et le délaissement des obligations. Parce que sinon, eh bien, c'est certain que si on meurt dans cet état-là, on ne sera pas dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et donc il faut faire des efforts. Et c'est un rappel en même temps pour les voisins de la mosquée et pour ceux qui habitent dans le quartier. On doit essayer de faire des efforts pour essayer de prier la prière de Fajr en jama'a ici. Et actuellement, la prière c'est à 5h40. Il est arrivé souvent que lorsque, par exemple, on vient pour la prière, on trouve une seule personne, ou même personne du tout. Donc on vient pour prier Salatul Fajr en jama'a, et puis on finit et on prie tout seul. Il n'y a personne qui vient faire la prière de Fajr. Donc, c'est bien qu'il y ait un groupe de frères qui habitent dans le quartier, s'ils veulent avoir une grande récompense, de faire les efforts pour essayer de venir faire la prière en jama'a, au moins la prière de Fajr en jama'a, pour avoir cette grande récompense. Hein, et puis que par la suite, on ne vient pas, puis on ne trouve personne. Alors par la suite, on se décourage. Parce qu'on dit, ah mais je viens à la mosquée pour faire Salat al-Fajr, et puis à la fin, je prie tout seul tous les jours. Après, la personne dit, bon, moi je vais prier à la maison si c'est comme ça. Donc il ne faut pas que le shaitan nous décourage de cette façon, et il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Si quelqu'un il habite loin, où il n'a pas de... c'est un petit peu plus difficile pour lui, il peut demander l'aide des frères. On va trouver quelqu'un qui habite pas loin, qui a une voiture, venir le chercher. Ou bien même lui téléphoner le matin, ou aller sonner à sa porte pour lui pour l'aider. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour s'encourager les uns les autres dans la piété et dans l'obéissance d'Allah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين وقوموا الى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلف فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا